Et mercredi prochain, je pars sur mon voilier de 40 pieds. Les temps de largue et les amarres, traverser l'Atlantique, c'est le pied. Comme je suis quelqu'un d'important, pour ma sécurité, j'exige le dernier système dans le vent, l'assistance top moumoute, tu piges. Ces trucs, je m'en moque comme mes fesses. Balise, argos, colle, anti-fuite, radeau de survie, fusée de détresse. Je veux le sauvetage par satellite. Bravo! Merci, merci Xavier. Donc, comme ça vient d'être magnifiquement introduit, ce soir, on raconte comment les satellites sauvent des vies. Donc, vous avez sans doute suivi une course célèbre, le Vendée Globe. C'est une course, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait terminée. Une course en solitaire autour du monde, sans assistance. Mais alors, sans assistance, ce n'est pas tout à fait exact. Parce que chaque navigateur embarque avec lui une balise qui en réalité le relie non pas à la Terre mais au ciel, elle le relie à une constellation de satellites, une dizaine. Alors c'est un acronyme qui date d'une époque où on ne faisait pas d'acronyme très simple, COSPAS SARSAT, voilà. Donc, COSPAS SARSAT, qui va nous occuper ce soir, ça permet de localiser des personnes en détresse, de calculer leur position et de transmettre ces informations au centre de secours concerné, le plus proche, on l'imagine. À l'origine, donc, on a quatre pays fondateurs, la France, le Canada, les États-Unis et la Russie, qui à l'époque est l'URSS, puisque ça se passe en 1982. Aujourd'hui, environ 2 millions de balises équipent tout à la fois des navires, des avions, mais aussi éventuellement le randonneur du dimanche qui veut mettre toutes les chances de revenir de son côté et qui embarque avec lui. On estime qu'il y a environ 41 700, le chiffre précis, personnes qui ont été secourues grâce à ce système, 41 700 secourues depuis donc l'origine, depuis 1982, au cours de 12 000 incidents qui auraient donc pu être bien plus dramatiques sans ce dispositif. Pour nous en parler ce soir, nous recevons Bruno Chazal du CNES. Et nous recevons également Monsieur Plantin de Hugues, qui est du bureau d'études accidents, qui est conseiller spécial pour le bureau études accidents. Mais je vais commencer par vous passer le micro pour que vous vous présentiez plus en détail. Bruno Chazal. Merci et bonsoir à tous. Donc Bruno Chazal, je travaille au CNES depuis déjà 15 ans. Je m'occupe actuellement de deux thématiques. La première qui concerne les satellites de télécommunication. Pas grand-chose à voir en termes d'application avec le sujet du jour. Et la seconde est donc celle qui est dédiée à la recherche et au sauvetage par satellite. Et dans le cas de ces fonctions, effectivement, je suis aussi représentant de la France, donc du CNES, mais aussi d'administrations comme la DGAC et la Direction des Affaires Maritimes, donc auprès de l'Organisation Internationale COSPAS SARSAT, que j'ai présidé effectivement depuis un an, et je passe le relais en ce moment à mon collègue russe. Auparavant, j'ai travaillé pour l'armement, j'étais ingénieur dans le corps de l'armement, que j'ai quitté il y a 5-6 ans, comme quoi on peut commencer dans l'armement et puis plus tard tenter de participer à sauver des vies, c'est pas incompatible. J'ai fait aussi pas mal d'activités dans le développement économique, des choses qui sont un peu plus loin du métier d'ingénieur, mais bon, je suis revenu ensuite à la technique. Très bien, donc un parcours très, très, très varié. Philippe Plantin-de-Hugues, allez-y. Bonsoir à tous. Donc, Philippe Plantin-de-Hugues, donc, je travaille au bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Donc, j'ai intégré le BEA il y a à peu près 23 ans. Après un doctorat en sciences, j'ai passé un an à la NASA pour un postdoc. Et ensuite, grâce au Minitel, j'avais pu trouver la niche qui allait bien au BEA pour être intégré en tant que spécialiste en acoustique. Donc depuis, j'ai travaillé pendant 20 ans au laboratoire la partie enregistreur de vol. Donc j'ai ramené ici un enregistreur de vol fixe, donc une boîte noire, que l'on trouve actuellement sur tous les avions existants, les gros porteurs, à partir du Falcon jusqu'au 380. Et ensuite, donc après la disparition du vol Rio-Paris en 2009, donc j'ai géré pas mal de groupes de travail pour l'évolution de la réglementation et faire le lien justement avec le système COSPAS-ARSAT et l'introduction de nouvelles balises que Bruno présentera pour le système COSPAS-ARSAT, ces nouvelles balises déclenchées en vol qui devraient normalement faire en sorte qu'on ne perde plus un avion comme la F447 ou la MH370. Oui, la Malaysian Airlines. Très bien. Dans un premier temps, Bruno Chazal, est-ce que vous pouvez, parce que j'ai dressé un portrait assez grossier pour l'instant seulement du dispositif, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur son mode de fonctionnement ? En fait, donc la vocation du système COSPAS-ARSAT, c'est de fournir une information sur des alertes émises par des balises de détresse qui ont été déclenchées. Et cette information, donc d'abord, c'est savoir que la balise a déclenché une alerte. Et ensuite, c'est de, évidemment, essayer de localiser le lieu où se trouve la balise au moment du déclenchement du signal de détresse. Ça, c'est effectivement très important parce que ça permet de réduire les temps nécessaires pour apporter des secours. Et on sait très bien que plus le temps est réduit, plus les chances de survie sont élevées. Et d'ailleurs, de façon plus matérielle aussi, ça peut réduire les coûts d'intervention pour dépêcher des sauvetages sur place. Donc le système, effectivement, est au départ basé sur des balises de détresse. Donc il y en a quelques-unes derrière. Je vais aller en chercher une, bougez-moi. Oui, donc là, c'est une petite balise, en fait. C'est une balise qu'on appelle PLB, c'est une balise personnelle. Donc voilà, c'est à la taille d'un vieux GSM, on va dire. Ensuite, ça, c'est une balise... Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut emmener avec soi, par exemple, si on fait une randonnée, mais aussi sur un bateau Oui, ça, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Hein. Tout un chacun peut acheter ça, l'amener, faire de la rando, ou quand on part sur des expéditions un peu plus lourdes, hein, vers les pôles. Effectivement, aussi, on peut embarquer ça sur des bateaux de plaisance, ou dans certaines conditions, pour des activités d'aviation légère, par exemple sur des planeurs. C'est assez courant de trouver ça sur des planeurs. Donc là, on a une ELT. ELT, c'est le nom technique des balises aéronautiques. Donc ça, c'est des balises à déclenchement automatique qui sont embarquées sur les avions. En France, la réglementation impose l'emport de ces balises sur tous les avions, avec des exceptions pour, comme je l'ai dit, l'aviation légère avec des balises personnelles. Celle-ci est une balise à déclenchement automatique et le principe, c'est que le signal est émis sur la base d'un choc, donc typiquement un crash aérien avec donc ce genre de balise. En général, c'est ce qui permet de retrouver les avions lors de crash. Malheureusement, il y a des tragédies où la balise ne déclenche pas parce que les chocs sont parfois très très violents, évidemment. Et la jonction souvent entre la balise, le corps de la balise et l'antenne ne tient pas le choc. Et c'est ce qui peut faire que malheureusement, dans certains cas, les balises ne déclenchent pas. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'Organisation internationale de l'aviation civile travaille en ce moment pour faire évoluer la notion de détresse et de déclenchement d'alerte de détresse, telle que Philippe l'a présenté rapidement. Le but étant de suivre les avions avant le choc. On y reviendra, je pense. On y reviendra, oui. Mais justement, sur le fonctionnement, concrètement, si on imagine un crash aérien, elle se déclenche seule, elle émet un signal, c'est elle qui communique avec le satellite. C'est pas la même chose, par exemple, qu'un GPS où on reçoit le signal d'un satellite. Effectivement, lors du déclenchement, donc, il y a un signal à 406 MHz qui est émis. Le signal est récupéré par la charge utile, donc c'est la fonction l'équipement à bord du satellite qui assure la fonction voulue. En l'occurrence ici, c'est la charge utile de recherche et sauvetage. Cette charge utile va, après ou sans traitement, ça dépend des satellites, réémettre le signal après l'avoir amplifié et avoir changé sa fréquence pour des raisons de coordination de fréquence vers le sol. Au sol se trouve un réseau de stations sol réceptrices, donc qui vont recevoir le signal. Et ce signal sera ensuite transféré vers ce qu'on appelle les centres de contrôle de mission. Alors il y a un réseau de centres de contrôle de mission qui essaye de mailler au mieux tout le globe. Et le but in fine étant de transmettre l'information la plus complète possible en termes d'identification de la balise et surtout le positionnement de la balise aux centres de secours les plus proches qui pourront dépêcher les secours, hélicoptères, bateaux pour le plus rapidement possible récupérer les personnes en détresse. Et concernant les satellites, ce ne sont pas des satellites dédiés en réalité. Hein. Ce sont des satellites qui ont d'autres fonctions, mais qui embarquent en plus celle-ci. Exactement. La charge utile de recherche et sauvetage est en général une charge utile assez simple, assez réduite en termes d'encombrement et de masse. Et on ne lance pas un satellite spécialement pour ça. En général, on utilise d'autres satellites. Alors, il y a trois types de constellations de satellites qui sont utilisées par Cospas Sarsat. Historiquement, et c'est toujours le système qui est opérationnel, on est sur des satellites dits LEO, c'est-à-dire des satellites en orbite basse. D'accord, c'est quelle altitude à peu près ? 850 000 km d'altitude avec des orbites polaires, c'est-à-dire que les satellites tournent autour du globe en à peu près 1h40, oui. 100 minutes, oui. Et l'intérêt de ces satellites, c'est qu'ils assurent une couverture globale de la planète. L'inconvénient, c'est que le passage d'un satellite n'est pas forcément instantané. On peut se trouver en situation de détresse, déclencher sa balise, et la balise émet toutes les 50 secondes des bursts, des petits signaux. Et malheureusement, parfois, il faut attendre quelques temps pour qu'un satellite arrive en face, en visibilité de la zone, récupère le signal, l'enregistre et ensuite aille le déverser vers la station sol qui va bien. Donc parfois on récupère le signal de détresse en quelques minutes dans les cas les plus favorables. Dans des cas moins favorables, ça peut aller, si on est sur l'équateur et qu'un satellite vient de passer, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Alors j'en parle parce que c'est une des raisons pour laquelle le système évolue actuellement. Donc on a ces satellites donc, en orbite basse. Actuellement il y a 5 satellites, ce sont des satellites de météo soit américains, soit des satellites de météo de Metsat, hein, l'opérateur météo européen. Donc il y a cette limitation qui fait qu'on n'a pas forcément instantanément l'information de la détresse. Donc du coup, le système a été étendu dans les années 90 avec des charges utiles embarquées sur des satellites géostationnaires. Donc géostationnaires, on est sur des satellites qui sont à 36 000 km d'altitude sur le plan équatorial. C'est les satellites qui sont utilisés pour la télévision. Et l'avantage de ces satellites, c'est qu'ils sont fixes par rapport au sol, avec la même période de révolution que la Terre. Donc un satellite est toujours en face du même point du globe. Et ça permet d'avoir une couverture à 36 000 km qui est globale. Donc tout de suite, le satellite peut détecter le signal de détresse. L'inconvénient, c'est que ce que je n'ai pas dit, c'est que le fonctionnement de Cospas Sarsat, c'est que la détermination de la localisation se fait par mesure Doppler, avec des algorithmes un peu compliqués. Et le Doppler, ça nécessite un mouvement du satellite par rapport à la balise. Avec les satellites en orbite basse, les satellites sont défilants, donc effectivement, on a du mouvement relatif, on peut faire ces déterminations. En géostationnaire, on ne peut pas le faire. Donc on a effectivement instantanément l'information de la détresse, mais par contre, on n'a pas de mesure de localisation. On peut la voir si la balise a une puce GPS ou bientôt Galileo embarquée, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le troisième type de constellation de satellites, on a pris en fait des demandes, on a pris le meilleur, c'est-à-dire que les gens se sont dit, l'idée a germé il y a pas mal de temps. On s'est dit pourquoi ne pas embarquer des charges utiles sur des satellites en orbite intermédiaire. On a des constellations avec le GPS qui sont à peu près à 20 000 km d'altitude. On a maintenant le Galileo dont les services initiaux ont été lancés officiellement en décembre dernier. Côté russe, on a les constellations GLONASS. Et les Chinois qui ne sont pas dans le Cospas Sarsat mais ont aussi leur constellation. Et peut-être qu'un jour ils rejoindront le programme. Mais... Et l'idée, c'est de se dire, on embarque des charges utiles sur ces satellites. On a, du fait qu'on est à 20 000 km et non plus à 1 000 km, on a une visibilité qui est quand même très bonne. Donc, on peut détecter le signal de façon quasi instantanée. Mais en plus, on a ce mouvement relatif du satellite par rapport au globe qui fait qu'on peut mettre en œuvre des mesures d'effet Doppler et faire des mesures de localisation assez précises. Donc, actuellement, le système migre vers l'utilisation de ces satellites en orbite. Et le gain de temps, on peut, avec l'ancien système Le gain de temps, ça veut dire qu'avec le système MEO, donc orbite moyenne, ce qu'on appelle le MEOSAR, l'EOSAR, GEOSAR et le MEOSAR pour ce système, on espère avoir des détections quasi instantanées. Voilà. Et localisation quasi instantanée. Alors qu'auparavant, ça pouvait prendre quelques heures au pire. Oui, ça pouvait aller au pire jusqu'à 4 heures. D'accord. Cospasar, ça t'a un président. Il s'appelle Bruno Chazal, c'est clair. Si tu l'embêtes, fais gaffe à tes dents. Car lui, c'est un ancien militaire. Merci. Bravo, merci. Alors Philippe Plantin de Hugues, à vous, et expliquez-nous dans le cadre de votre fonction quelle utilisation vous faites du système Cospas SARSAT. Donc en fait en 2009, donc 3 mois après l'accident du vol Rio-Paris du 1er juin 2009, donc 3 mois après, on n'avait plus d'informations qui provenaient des balises. Donc sous l'eau, lorsque on a un accident au-dessus de la mer, l'avion va plonger. Vous allez avoir ici, alors je vais peut-être lever, ce sera plus simple. Donc à bord des avions, vous avez des boîtes noires, donc des enregistreurs de vol. Elles sont au nombre de 2. La première. À tout le monde. Ouais. Hop, c'est un peu lourd, attention. Ouais. Je veux dire, c'est très lourd. Donc la première est un enregistreur phonique, donc comme celui-ci, qui enregistre des informations de la voix des pilotes, plus les informations d'ambiance dans le poste de pilotage. Ça, donc il s'appelle le cockpit voice recorder. Le deuxième enregistreur, qui est le flight data recorder, lui enregistre tous les paramètres de vol de l'avion. Donc il y a 40 ans, quand les premiers enregistreurs étaient sur le marché, il y avait 5 paramètres. Maintenant, sur un Airbus A380 ou un 787, on est à plusieurs dizaines de milliers de paramètres. Donc il est bien sûr très important de pouvoir retrouver ces enregistreurs. Sans eux, il est de plus en plus complexe de comprendre les causes d'un accident. Et donc, lorsque l'accident intervient au-dessus de la mer, donc pour retrouver les enregistreurs, ce sont ces petits cylindres, ce sont des balises ULB, donc, qui permettent, en fait, lorsque ces balises sont immergées, d'avoir un contact entre la puce ici au centre et le corps, et ça émet à une fréquence de 37,5 kHz sous l'eau, un signal toutes les secondes, c'est un petit bip. Et avec un équipement adapté, on peut localiser le signal et le trianguler. Donc j'ai participé notamment à plusieurs recherches en mer, et jusqu'à 1200-1500 mètres de profondeur, on peut localiser avec 50-100 mètres de précision. Donc maintenant, le vol Rio-Paris, qui disparaît le 1er juin 2009, 3 mois après, donc la durée de ces balises était de 30 jours à l'époque. On savait qu'elle n'émettait plus et donc qu'il était impossible de rechercher, de retrouver l'épave grâce au sonar, grâce à tous les détecteurs que l'on pouvait avoir. À titre d'information, à 4000 mètres de fond, pour retrouver cette balise, il a fallu avoir 40 tonnes d'équipement sur des bateaux qui tirent en principe des plateformes offshore, pour pouvoir avoir un système plongé assez profond pour pouvoir les entendre. Donc 3 mois après, on a aucun signal, donc aucune localisation possible de l'épave. Donc là, j'ai créé un groupe de travail pour évaluer toutes les possibilités afin qu'on ne perde plus jamais un avion. Donc il y a eu plusieurs solutions. Des balises comme ça qui émettent une fréquence différente que l'on peut entendre plus loin. Mais aussi, dans le futur, c'est l'emport d'enregistreurs éjectables. Donc, ceci est une boîte noire, c'est pareil, hein, c'est un enregistreur éjectable. Sauf que son principe, c'est que... C'est moins lourd. Déjà... Il est vide, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est qu'il est... Cet enregistreur est placé sur la peau de l'avion. Lorsqu'il y a le début d'impact, lorsqu'il y a un début de déformation de la cellule, mais en fait, un gros ressort va repousser l'enregistreur qui se trouve sur la peau de l'avion, donc sur la dérive verticale. Et avec les effets aérodynamiques, cet enregistreur va virevolter, va se poser sur terre ou sur mer. Et à bord de cet enregistreur, vous avez une balise ELT. Donc ce qu'on a vu ici avec le système Cospasarsat, donc il y a une antenne au milieu qui va pouvoir transmettre le signal vers les satellites qu'a décrit Bruno et va pouvoir être localisé. Et ainsi, on peut d'une part localiser le point d'impact, vu que cet enregistreur va avoir la même dérive que les potentiels survivants, on va pouvoir trouver la dérive et donc trouver éventuellement des survivants. Et bien sûr, pouvoir récupérer toutes les données de vol, donc les enregistreurs que l'on a dans l'enregistreur audio et dans l'enregistreur de paramètres. Donc ça, c'était les premières conclusions. Ensuite, on a continué à travailler et on s'était dit que ça peut être très coûteux à installer. On pourrait imaginer d'utiliser les nouveaux, la nouvelle constellation MEOSAR décrite par Bruno, donc à moyenne orbite, pour en fait être capable de déclencher la balise de détresse, non plus juste à l'impact, parce que bien souvent elles sont détruites et elles ne fonctionnent pas sur les gros avions de transport, mais de pouvoir déclencher avant impact. Donc l'idée, c'était, et on a conduit un groupe de travail pour ça, c'est de voir si, compte tenu qu'on avait pu développer une base de données des paramètres de vol de à peu près 64 accidents, de pouvoir déterminer si on pouvait créer des critères robustes qui permettraient suffisamment de temps avant impact de donner la position de l'avion à une fréquence plus importante. Donc quand nous avons créé ce groupe de travail, on a créé des critères et on a pu déterminer que, en moyenne, si par exemple on est en croisière, 1 minute à 1 minute 30 avant l'impact, si l'avion commence par exemple à se trouver en décrochage ou avoir une vitesse verticale trop importante ou avoir une attitude sur le côté trop importante, ce seraient des critères qui permettrait de dire que l'avion est en détresse et qu'à partir de ce moment-là, il faudrait transmettre avant l'impact un signal de position avant l'impact. Oui, c'est un changement complet de paradigme, comme on dit, puisque cette fois-ci, il s'agit d'anticiper. Oui. Elle se déclenche avant même que l'accident ait eu lieu. Voilà, tout à fait. Et donc, grâce aux travaux de ce groupe, on a pu démontrer, avec une base de données, de données réelles d'accidents, que ce concept était robuste et fiable. Donc en 2010, on a profité justement d'une réunion de Cospasarsat à laquelle ils réfléchissaient aux nouvelles générations de ELT et comment bénéficier de cette nouvelle constellation à orbite moyenne. Et là, donc, nous avons présenté les travaux réalisés par le BEA. Et là, il a été décidé d'aller dans cette direction. Et depuis, les normes ont évolué, donc la réglementation a évolué. Et tous les avions qui sont construits à partir de 2021 devront avoir une balise qui se déclenche en détresse avant impact sur tous les avions qui seront construits. Pourquoi 2021 puisque ça a l'air très avancé là. Alors en fait, la réglementation est un peu lente. Donc on a fini les travaux de ce groupe en 2011. Le temps que l'on puisse proposer à l'Organisation de l'aviation civile internationale ce concept, donc de proposer des nouvelles types de réglementation, le temps que ce soit accepté, mondialement, et après, une fois que c'est accepté et que ça apparaît dans le règlement, il faut laisser du temps à l'industrie pour pouvoir s'y conformer et installer ce type de système. Donc là, 2011-2021, on est sur 10 ans et c'est quasiment un des records parce que, en principe, ça prend plus de temps. Ça peut prendre encore plus de temps. Voilà. D'accord. Très bien. Mais technologiquement, ça ne demande pas de prouesse particulière. En fait, c'est plus un accord à trouver, des règles à établir, voilà, que de trouver le... Effectivement, il fallait... c'est vrai que quand on a créé le groupe, il y a pas mal de gens qui nous disaient ça ne marchera pas, on ne pourra pas détecter, ça ne sera pas assez de temps avant l'impact, vous n'aurez pas le temps de transmettre, etc. Donc, il était vital, avant même de pouvoir proposer ce système, montrer qu'il était assez fiable. Et il y a eu plusieurs types de critères qui ont été développés, donc notamment par le BEA, et on a pu montrer que ça pouvait fonctionner et que ça pourrait être utilisé. Et bon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y avait cette base nécessaire technique qui permettait d'asseoir la réglementation. Très bien. Je vais revenir à vous, Bruno Chazal, puisque je parlais un petit peu d'organisation. Donc, Cospas Sarsat réunit 42 pays, c'est ça? Or, on a quelques autres exemples où des pays essayent de travailler ensemble, et puis alors, c'est des fois difficile, on dit même qu'ils n'y arrivent pas. Vous êtes 42. Comment on travaille avec 42 pays différents? Comment on arrive à trouver facilement des accords? Effectivement, ce n'est pas toujours très simple. D'autant plus que le mode de décision de Cospas Sarsat, donc les décisions se prennent dans une instance qui s'appelle le Conseil, le mode de décision est celui du consensus. Donc le consensus, l'avantage, c'est qu'on peut très bien... on peut bloquer des choses qui ne nous plaisent pas, mais quand on veut faire passer des choses, il faut l'adhésion de tous, quoi. Donc c'est assez délicat. Mais je pense qu'il y a une volonté d'avancer sur, en tout cas sur ce sujet du sauvetage. Et en général, on trouve des compromis et les choses se font. Il peut y avoir des divergences, façon de voir les problèmes différentes. Ça veut dire que les réunions sont souvent très longues, très intenses. Il y a beaucoup de réunions en parallèle pour négocier les spécifications, les orientations un peu stratégiques de l'organisation. Mais on y arrive plus ou moins. C'est quand même un programme qui est emblématique parce qu'il a quand même été fondé en pleine guerre froide. Quoi, hein. Voilà, en 82. Hein. 82 et encore, ça aboutit en 82. J'imagine qu'il y a des discussions qui commencent avant. C'est avant 82 même. Oui. Ouais. Avant 82 parce que, en fait, dans les années 70, on sortait d'une période de l'espace où l'espace était la course vers la Lune. Quoi. C'était les années 60. Et dans les années 70, on s'est dit que l'espace devrait être peut-être un peu plus utile, parce que la course vers la Lune, c'était plus l'affichage d'une suprématie, d'un savoir-faire technologique, même si maintenant on voit l'exploration de la Lune, de Mars, avec des arrière-pensées un peu différentes. Mais à cette époque-là, on s'est dit en 70, il faut que l'espace soit utile. Donc c'est à ce moment-là, dans cette décennie, que les applications spatiales ont commencé à se développer, notamment dans le domaine des communications par satellite et puis de la navigation par satellite. Et à cette époque-là, de façon concomitante, il y a eu un boom dans le commerce maritime et l'aviation commerciale, et aussi dans les loisirs nautiques et l'aviation légère. Donc, effectivement, tout ça a œuvré pour l'idée de mettre en place un système de recherche et sauvetage qui soit efficace. Et aux États-Unis, on avait des balises qui devenaient assez bon marché, des balises un petit peu comme celles qu'on a vues, mais par contre qui étaient... qui était sur des fréquences de 121,5 MHz en VHF et qui était surtout analogique. Donc l'analogique, ça limitait pas mal de choses. Mais néanmoins, il y a eu quelques sauvetages. On ne parlait pas de satellite à l'époque. Hein. Il y a eu quelques sauvetages grâce à ces balises. Et rapidement, les autorités de l'aviation civile américaine et canadienne en ont rendu l'emport obligatoire. L'Organisation internationale de l'aviation civile aussi a créé des standards par rapport à cela. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, les Français travaillaient sur un autre système qu'on confond souvent d'ailleurs avec Cospas Sarsat, qui est Argos. L'application n'est pas du tout la même. On parle souvent de balises Argos en se disant on fait du sauvetage. C'est pas du tout ça. Argos, c'est un système qui est dans le mode de fonctionnement assez voisin, hein, mais dont le but est de faire de la collecte de données, souvent pour les scientifiques. Hein, on met des balises, par exemple, sur des animaux pour suivre les migrations, etc. Il y a toute une multitude d'applications, mais quand le CNES, en l'occurrence, a pensé au concept Argos, on travaillait non plus sur de l'analogique, mais sur du numérique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle, on avait je ne sais pas, je pense que c'est la France, mais je ne suis pas sûr, avait fait en sorte qu'on réserve la fréquence de 406 MHz, c'est non plus 121.5, la fréquence de 406 MHz au niveau de l'Union internationale des télécoms, justement pour la recherche et le sauvetage. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant avec du digital, on avait une meilleure précision, mais surtout, on pouvait coder des messages et on pouvait coder notamment un paramètre d'identification de la balise, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on ne savait pas rattacher un signal de détresse à une balise. Ensuite, on pouvait le faire. Ça, c'est énorme comme information. Ça permet de faire des recoupements et très vite de savoir si on a affaire à un bateau avec 400 personnes ou un gars qui s'est perdu qui est tout seul. Ou, enfin, voilà. D'accord, si j'ai bien compris, c'est qu'avant, on avait donc un signal anonyme, en fait. Voilà, là, on était vraiment sur le début de la détresse. On avait 121 en analogique, les 406 en numérique, mais pour l'instant, on n'avait toujours pas de système satellitaire. Et le problème, c'est qu'avec ce 121,5 MHz, on s'est rendu compte que très vite, on n'avait pas de couverture suffisamment globale. Et les Canadiens ont été les pionniers pour se dire, utilisons une constellation, comme je disais tout à l'heure, de satellites en orbite basse pour essayer de travailler, d'avoir une couverture globale du système et donc une meilleure couverture des signaux de détresse qui pouvaient être émis. Donc à ce moment-là, les Américains, les Canadiens et les Français ont décidé de travailler ensemble. Ce n'était pas au niveau national, mais c'était au niveau des organisations. Donc c'était le département des communications canadien, la NASA aux États-Unis et puis le CNES en France, qui ont décidé de travailler ensemble, d'une part pour voir comment ils pouvaient développer un système opérationnel à base de satellites en orbite basse pour les balises 121,5 MHz analogiques, et aussi pour commencer à expérimenter ces balises 406 MHz, qui sont maintenant le standard, qui pouvaient apporter des informations beaucoup plus intéressantes en termes d'identification de balises notamment. Et voilà, les trois pays ont travaillé de la sorte. Ils se sont rendus compte que les Russes travaillaient aussi, et eux travaillaient directement sur des balises numériques 406 MHz, et on était malgré tout en pleine guerre froide, quoi. Donc il y avait quand même une volonté globale de coopérer au niveau international. Et surtout, on s'est rendu compte que en ayant deux fois plus de satellites, on avait des périodes de passage des satellites réduites de moitié, à la louche, et ça permettait de réduire de moitié le temps de localisation des balises. Et dans l'intérêt des gens en détresse, effectivement, l'idée de travailler ensemble, bloc de l'Est, Canada, France, États-Unis et la Russie d'autre part, était vraiment intéressante, quoi. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'effectivement, malgré la guerre froide, il y a eu un accord. D'abord entre organisations, donc les trois organisations dont j'ai parlé côté ouest, je dirais, et en Russie, c'était le Morflot, c'était le ministère de la marine marchande qui développait ce système pour les navires. Et c'est ainsi qu'il y a eu un arrangement, on va dire, on appelle ça un Memorandum of Understanding, c'est un arrangement entre organisations qui a été signé en 1979, et c'était vraiment le début du projet Kospas-Sarsat. Il y a une première phase donc de développement, de design, de développement, d'évaluation qui a été probante, et un nouvel accord a été signé en 1984 pour opérer ce système. Alors la difficulté quand on a un arrangement entre organisations, c'est que les organisations ne sont pas des États, quoi. Et même si cet arrangement prévoyait à d'autres États, à d'autres de participer au système, Les autres pays n'adhéraient pas trop finalement, parce qu'ils disaient ce truc-là, c'est un système qui a vocation à être mondial, international, mais qui a une robustesse relativement faible. Quel sera vraiment l'ouverture de l'accès aux satellites? Quelle sera la pérennité du système si c'est un truc qui est entre la NASA, le CNES, enfin. Et donc, l'idée a été de monter d'un degré et de définir vraiment un accord international au sens juridique du terme, donc un traité qui est ratifié par chaque parlement. Et c'est ainsi qu'après trois années assez difficiles apparemment, avec des divergences de points de vue au niveau politique spatiale et puis aussi au niveau juridique, c'est ainsi qu'a été signé l'accord fondateur de Kospas-Sarsat en 88. Ça s'appelle l'ICSPA, c'est l'International Kospas-Sarsat Program Agreement. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a été signé tout près d'ici, parce qu'il a été signé au Quai d'Orsay, dans la salle de l'horloge, donc c'est pas loin d'ici. Et c'était vraiment important d'avoir un accord international, parce qu'on ne discutait plus entre agences, on discutait entre États. Et il y a eu trois conséquences. Et donc, malgré la guerre froide, les États ont pu coopérer et mettre en place cet accord. Et je me souviens, j'ai une discussion assez récente avec des gens du département d'État américain, quelqu'un qui avait travaillé des années avant sur Cospas-Sarsat en tant qu'ingénieur et qui disait que malgré les turbulences entre les deux blocs, effectivement, les États-Unis n'avaient jamais pensé à se retirer de ce programme parce qu'il était emblématique, justement, et c'était un lien entre l'Est et un des liens entre l'Est et l'Ouest. Appelée USB, elle me fait baliser, elle pipe sans arrêt, chaque seconde écoulée. Mais ça, c'est pas une clé, mais une balise ULB qui te l'a donnée. De toi, il s'est bien moqué, celui qui me l'a vendu, c'est Philippe du BEA, ah, il t'a bien eu. Tu peux en faire un dessous de plat. Bravo. Bon, après cette présentation, je vous propose de passer aux questions. Et d'ailleurs, j'en ai déjà une. Bonsoir. J'ai même deux questions. Une assez simple. La plupart des journalistes et beaucoup de gens confondent en effet balise argot, c'est système Cospas-Sarsat. Donc, on sait que la fonction de Argos, c'est de transmettre de façon régulière, alors que l'autre, c'est uniquement en cas de détresse. Mais sinon, d'un point de vue purement technologique, il me semble que c'est à peu près identique. Et est-ce que c'est le même réseau de communication, satellite, etc., ou est-ce que c'est de fonctionnement, disons, de chaîne de transmission entièrement séparée? Oui, effectivement, c'est, le principe est le même. Par contre, vous l'avez souligné, dans le cas d'Argos, l'émission est permanente. Dans le cas de Cospas-Sarsat, l'émission se fait uniquement en cas de détresse. Et en général, les balises sont spécifiées pour fonctionner 24-48 heures après l'émission. Parfois, ça dure un peu plus. Et par contre, les réseaux ne sont pas les mêmes. Les charges utiles Argos ne sont pas embarquées nécessairement, à ma connaissance, sur les mêmes satellites. Quoi. Et alors, sur le principe de balise qui se déclencherait un peu avant un choc ou un drame éventuel, quel qu'il soit. Je suppose qu'il y a des difficultés pour définir un algorithme d'identification d'une situation considérée comme pré-critique. Je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. Et alors, est-ce qu'il y avait vraiment une difficulté de principe pour faire admettre ça? Parce que je me disais qu'il était toujours possible que le message transmis soit non pas « Venez me chercher », mais « Attendez-vous à devoir me chercher dans peu de temps », ce qui permettrait de donner une pré-alerte. On dirait « Là, bon, on ne peut rien faire pour le moment, mais si ça se confirme, il faudra aller chercher ». Et donc, ça n'encombrerait pas énormément, puisqu'on pourrait avoir deux niveaux, un niveau choc détecté et un niveau menace, quitte à ce que, si c'est une fausse manœuvre, que l'avion a tourné parce qu'il y a eu un coup de vent et qu'en fait, il va très bien, 30 secondes après, on pourrait avoir un contre-ordre, disons, disant que, bon, finalement, tout va bien, etc. Et alors, par la même occasion, est-ce que ce système a été prévu pour donner une identification forcée dans le cas où il y aurait un détournement ou quelque chose comme ça? Je pense à l'avion qu'on n'a toujours pas retrouvé de la Malaisie et qui, dans un cas comme ça, aurait pu être peut-être suivi. Donc, alors, effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait parce que les algorithmes de détection d'une situation de détresse dépendent de l'avion. C'est-à-dire que ce ne seront pas les mêmes si vous avez un Airbus A380 que si vous avez un Falcon 20 ou si vous avez un 787. Donc chaque constructeur va définir ses propres algorithmes. L'un, ben voilà, c'est 60 degrés d'inclinaison ici, l'autre c'est 30 degrés, et les algorithmes sont complexes. Il y a à peu près, on peut estimer jusqu'à 80 algorithmes différents en fonction de l'attitude de l'avion, et ça va vraiment dépendre pour chaque constructeur. Ensuite, ce sont des « ou ». C'est-à-dire que c'est soit l'avion, il fait ça, ou il est comme ça, ou il est comme ça. Et dès qu'on a, on arrive à une des valeurs dans un des détenues par les algorithmes, on va déclencher. Et en fait, de ce qu'on a rédigé, parce qu'on a rédigé des spécifications pour faciliter ce travail-là, et notamment, on a imaginé les faux positifs. C'est-à-dire qu'un des principaux freins à l'installation de ce système, ce sont les coûts. Et donc, on imagine qu'un système qui va se déclencher trop souvent sur un vol normal pour une longue durée, ça va avoir un coût important et ça risque de saturer le système Cospas-Arsat. Donc, on a créé des spécifications. Donc, c'est un groupe de travail, un autre que j'ai dirigé, qui permettait de définir des critères pour dire, ben voilà, on ne va pas déclencher un signal de détresse si on estime que l'avion ne va pas s'écraser dans les quelques minutes. Donc, si par exemple, on a une pression cabine trop faible dans l'avion, on sait que ce n'est pas forcément ce qui va conduire à un écrasement, donc on ne va pas déclencher. Par contre, si on sait que l'avion va décrocher à une certaine altitude, statistiquement, on sait que dans 3 à 6 minutes, quand on a eu un signal assez long, l'avion sera écrasé. Donc on a établi ces critères en estimant ceux qui vont définir que dans les quelques minutes qui suivent, l'avion sera écrasé. Tout ça pour éviter trop de déclenchements intempestifs. Et on a créé des critères aussi pour stopper la transmission. C'est-à-dire qu'on imagine qu'un avion qui a décroché, ben effectivement, les pilotes ont repris le contrôle et donc il va reprendre un vol normal. Là, on a de nouveaux critères pour dire, ben voilà, si on a un signal, donc des valeurs de paramètres de vol qui sont normaux pendant quelques temps, on estime que la transmission doit être prévenue, arrêtée, et donc on prévient le centre de secours pour dire, ben voilà, je transmettais une position de détresse, j'étais en détresse, maintenant j'envoie un signal, tout redevient normal, et on va l'envoyer pendant quelques temps. Alors, le détournement, on a beaucoup discuté sur le sujet. Et en fait, on a fait des critères qui sont liés vraiment à l'aérodynamique de l'avion en estimant qu'il va s'écraser dans les quelques minutes, et notamment l'arrêt des moteurs. Donc, on considère qu'un détournement ne serait pas une situation de détresse dans le sens accident, proprement dit. Par contre, les systèmes qui vont être embarqués avion ne devrait pas être déconnecté à partir du sol. Ça veut dire que si un avion est doté d'un système de contrôle continu de la position et déclencherait une situation de détresse, il ne peut pas être coupé du poste de pilotage. Et donc, dans le cas du MH370, même si on n'avait pas de signal de détresse, jusqu'au moment où les deux moteurs vont s'éteindre parce qu'il n'y a plus assez de carburant. Et à ce moment-là, le système va transmettre la position vers le sol très fréquemment, plusieurs fois par minute, jusqu'à l'arrêt de la transmission, soit par impact, soit parce qu'il a récupéré. Très bien, merci. D'autres questions ? Oui. Bonsoir. Déjà, merci à vous deux pour ce que vous faites. C'est un sacré boulot. J'avais une petite question, peut-être un peu candide, voire un peu trop matérialiste, mais excusez-moi. Concrètement, vous avez ce que je pourrais appeler de l'or dans les mains au niveau des idées, de la technique ou de tout ce qui peut tourner autour. Et la question que je me posais était liée au financement de ces projets, car ils s'inscrivent dans le temps. On parlait de 10 ans, mais dans un cas qui est visiblement exceptionnel. On est vraisemblablement sur des périodes qui peuvent s'étaler au-delà de 20 ans. On est sur des équipes qui sont transnationales, qui peuvent embarquer des dizaines de personnes. Donc j'imagine qu'il peut y avoir des choses comme des crédits étatiques, des sociétés privées qui sont intéressées par ce type de projet. Mais dans les faits, à partir du moment où vous avez une idée pour améliorer le système, comment vous apportez ça sur la table pour obtenir ces fonds et peut-être auprès de qui? Et à partir de ce moment-là, de quelle façon ça se passe au fil du projet? Parlons sous un peu. Donc c'est une question extrêmement intéressante parce qu'elle pose la question du financement d'activités, on dirait régaliennes, quoi, quelque part. Cospas Arsat, en fait, le fonctionnement est assez particulier, c'est-à-dire que l'infrastructure est financée par les pays qui décident d'apporter la pierre à l'édifice. Typiquement, si la France décide de faire ce qu'elle a fait à 13 ou 14 reprises, un processeur, une charge utile, quoi, hein, qui va être embarqué sur les satellites Léo, par exemple, bah, elle le finance et elle apporte ça au système Cospas Arsat. Les Américains ont financé les plateformes, les satellites et les charges utiles aussi. Les Russes font de même. Ensuite, il y a donc, au-delà des quatre pays fondateurs, il y a d'autres participants qui... 38 autres, donc. Parmi ces 38, il y en a 28 qui contribuent au niveau du segment sol en achetant ou en développant des stations sol et des centres de contrôle de mission. Donc ça, c'est, chacun participe en nature, je dirais. Ensuite, le fonctionnement du programme se fait sur la base d'une structure qui s'appelle le secrétariat. C'est la structure permanente qui est en support au conseil et qui permet à toute la mécanique de fonctionner. L'organisation est basée, donc ce qu'on appelle le secrétariat est basé à Montréal. Et le fonctionnement du programme, donc ses frais courants, je dirais, font l'objet d'une participation annuelle de chaque participant. Les parties, donc les quatre pays fondateurs, on dit les parties par rapport à l'accord initial, mais les quatre pays fondateurs payent à peu près, je crois que c'est 190 000 dollars canadiens, avec un taux de change de 1,36 fois, chaque année. Et les pays participants qui ne sont pas les parties, donc payent, je crois que c'est 42 000 dollars canadiens. C'est une participation annuelle qui permet au programme de fonctionner. Tout ce qui est infrastructure, c'est payé par les pays. Après, c'est un choix politique, quoi, hein. C'est le choix de contribuer à un système de sauvetage. C'est un choix aussi de contribuer à des activités qui font aussi vivre, même si c'est moins marqué que dans des activités comme les télécoms spatiales, etc. Mais enfin, de faire vivre l'industrie du pays, développer des charges utiles, ça fait vivre l'industrie spatiale, donc ça crée des emplois. On a en France des balisiers, des gens qui font des balises, hein. Il y a 2-3 balisiers en France. D'ailleurs, je pense que la moitié des balises dans le monde sont fabriquées, enfin, il y a quelques années en tout cas, ont été fabriquées en Europe. Donc voilà, il y a un choix d'investir sur une tâche régalienne, qui en plus est noble, et avec incidemment des effets sur l'industrie, mais qui sont limités quand même sur ce domaine-là. Voilà un peu, je ne sais pas sa réponse, c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Ce qu'on peut dire quand même qui est intéressant, c'est que il n'y a pas d'études très récentes, je pense qu'il faudra en faire une sur la décennie actuelle, mais dans les années 90 et 2000, dans la décennie 90 et 2000, des analyses, des études avaient été menées pour comparer le gain en termes de coûts sur des opérations de recherche qui était amené à porter grâce à ce système avec des coûts annuels. Donc l'économie annuelle sur les coûts de recherche comparée au coût annuel du système satellitaire. Dans les années 90, la décennie 90, on estimait le coût annuel des moyens satellitaires Cospas Arsat à, je crois, c'était 30-33 millions de dollars, quoi. Et dans cette décennie, on était à peu près au même niveau. C'est-à-dire que l'économie sur les frais de recherche était du même ordre que l'investissement dans le système satellite. Dans la décennie suivante, on avait un facteur de 1,6. Donc un effet de levier plus marqué, quoi. Après, si on compare ces coûts annuels pour le système satellitaire avec, je dirais, le marché des balises, décennie 90, on est à peu près au même niveau en coût annuel et en marché annuel. Décennie 2000, donc 2000-2009, on a un facteur de 2,7, c'est-à-dire que le marché des balises est 2,7 fois plus élevé que ce qu'on estime être le coût annuel pour le système spatial. Donc on voit qu'il y a un effet de levier quand même qui est intéressant. Alors évidemment, ceux qui payent ne sont pas forcément ceux qui récupèrent. En général, en tout cas c'est le cas en France, les autorités de recherche sont étatiques. Là, c'est l'État qui paye. Après, quand il s'agit du marché des balises, oui, effectivement, c'est les entreprises privées qui en bénéficient. Mais enfin, ça donne une idée un petit peu du positionnement des coûts je parlerai pas de business plan parce qu'on n'est pas dans du business, mais enfin, une idée un petit peu du schéma de coût sur Cospas Sarsat. Voilà, j'avais en tête ces deux analyses, pardon, qui donnent un petit peu une indication. Il serait intéressant de mener cette analyse pour la décennie qui va se terminer dans quelques temps. C'est effectivement intéressant. Et c'est une question qui se pose, hein, de savoir ce qu'on fait des deniers publics, est-ce qu'on va payer des systèmes de recherche et sauvetage? Après, il y a des effets qui sont directs en termes de vie sauvée. Il y a aussi l'effet d'avoir un programme international avec la France, qui est dans une position quand même de choix dans ce programme. C'est une vitrine diplomatique. Enfin, il y a un effet pour l'industrie qui fabrique les balises, ou les charges utiles, ou les satellites. Enfin, il y a tout un écosystème à prendre en considération. Dans le cas où vous avez, mettons, 10 projets différents qui pourraient être très intéressants par rapport à ce genre de thématique, vous choisissez comment au niveau de l'allocation de vos ressources sur ça ? Alors, bon, la position de la France sur Cospas Sarsat, qui fait qu'on contribue à la dotation annuelle dont je parlais tout à l'heure pour le fonctionnement du programme, elle est décidée d'année en année. J'espère qu'elle va être décidée longtemps, parce que c'est une place de choix pour la France. Hein. Il ne faut pas oublier quand même qu'en matière de recherche et sauvetage, les deux utilisateurs principaux en termes d'administration sont la DGAC et les affaires maritimes. L'aviation civile en France est relativement puissante. On a une aviation civile qui est très développée. Les affaires maritimes, on a quand même le deuxième territoire maritime mondial. Donc on a, je pense, intérêt à disposer de structures de recherche et de sauvetage qui sont performantes. Et contribuer à Cospas Sarsat, c'est contribuer à se doter d'un système global qui nous est parfaitement utile, quoi. Après, les investissements de la France, bon, bah, actuellement, on n'investit plus dans le segment spatial. Hein. Il y a eu ces processeurs sur les satellites Léo. Il y en a 5 en orbite, opérationnels encore. On n'investit plus sur les systèmes nouveaux, puisque ces budgets sont des budgets de la Commission européenne maintenant, sur Galileo. Par contre, on investit sur un centre de contrôle mission, sa maintenance, sur des stations sol qu'il faut maintenir, etc. Et je pense que ça rentre dans la même enveloppe. Après, les modes de décision, on est sur des budgets qui sont en somme toute réduits par rapport à des gros projets de satellites, des concessions de satellites, télécoms ou pour l'observation, etc. Les choix se font au cas par cas par le top management du CNES et les tutelles qui font des choix. Après, les modes de décision, personnellement, je ne les connais pas. Mais voilà, je pense qu'on a quand même un héritage qui est certain, et puis un intérêt qui est certain pour ce programme, quoi. Je suis balisier, je suis balisier, je fais des balises toute la journée. J'en fais des petites, j'en fais des grosses, j'y mets tout mon talent, ma force. De forme pratique quand on l'arrange, et toujours de couleur orange. Une petite question un peu bas-côté. Vous parlez du programme là, avec toutes ces grandes nations, hein, tous les blocs de l'Est, la France, le Canada, les États-Unis. Alors, et les Allemands dans l'histoire, ils ne sont pas concernés dans cette histoire, les Allemands ? Bizarre. Bizarre, non. Ils sont concernés. Les Allemands sont, mémoire, oui, participants au programme parmi les 42 participants. Mais ils ne sont pas fondateurs. Donc, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les 4 pays fondateurs participent à ce qu'on appelle le conseil fermé. Ensuite, il y a le conseil ouvert, avec tous les participants. Bon, les décisions qui sont prises au conseil fermé, en général, sont entérinées par le conseil ouvert, c'est vrai. Donc, être un des 4 pays, ça donne un avantage certain en matière de décision. Pour revenir aux Allemands, ils sont participants. Je ne suis pas certain qu'ils aient une politique de recherche sauvetage extrêmement poussée, mais enfin, ils participent au programme. Et ce qu'il faut oublier, c'est que le programme se fait sans discrimination. C'est-à-dire que même un ressortissant d'un pays qui n'est pas membre du programme peut acheter une balise et l'utiliser, et il sera secouru, quoi. Par contre, il y a des pays qui décident de participer au programme, d'abord parce qu'ils ont des équipements sol, etc., ou même en tant que simple utilisateur. C'est une façon donc pour eux aussi de peser éventuellement sur les décisions, de faire valoir des choix ou de se tenir informé. Je pense que les Allemands sont dans cette logique-là, quoi. Mais ils participent au programme. Bonsoir. Moi, je vais avoir une question vis-à-vis des boîtes noires un peu d'anticipation que vous développez. J'aurais une question concernant la qualification et les essais de l'équipement. C'est-à-dire, j'imagine qu'en laboratoire, vous avez des possibilités de simuler éventuellement des vols où elles vont se déclencher, mais il ne va peut-être pas réellement y avoir d'essais en vol de crash, où à ce moment-là, on va assurer que la boîte noire va quand même fonctionner. Donc c'est comment vous arrivez à justifier que d'ici 2021, toutes ces boîtes noires d'anticipation fonctionneront bien. Alors, déjà, ces enregistreurs ici, celui qui est là, c'est un enregistreur fixe. Donc, lui, il est installé à bord de l'avion. Il y a des spécifications particulières. Par exemple, le boîtier protégé qui est ici doit permettre de protéger les données jusqu'à 3400 G. Donc, c'est quasiment l'impact avec un Mac 1, avec un sol dur, ça survivra. C'est 1100 degrés pendant une heure, donc c'est un feu forte intensité, et ensuite c'est 6000 mètres de fond. Donc ça, c'est la partie spécification pour un enregistreur fixe. Maintenant, pour venir à votre question sur la transmission en vol, donc nous avons utilisé une base de données des paramètres de vol de 64 accidents. Donc ce sont des accidents réels. On a utilisé tous ces paramètres de vol, donc il y en avait 42 paramètres. Et avec ça, on était capable de reconstituer toute la trajectoire de l'avion, donc quelle a été son attitude jusqu'à l'impact. Et donc, à partir de ça, on a pu faire tourner tous les critères sur cette base de données. Ensuite, Airbus a travaillé sur plus d'un million d'heures de vol pour voir si ces critères ne seraient pas déclencheurs dans un vol normal et donc pourrait générer un coût pour la compagnie. Donc ces critères ont déjà tourné sur des avions, sur des vols, etc. Et donc ça permettait d'indiquer la robustesse des critères afin qu'ils ne se déclenchent que lorsque c'est nécessaire. Et dans les critères, donc dans les documents de spécification notamment, on a mis une butée basse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les critères donnent ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire un déclenchement intempestif à plus de 10-5 heures de vol. Donc plus de 10 millions d'heures de vol, voilà, il ne faut pas qu'il y ait plus un déclenchement comme ça. Et c'est... 10 millions d'heures de vol, ça représente la durée de vie d'un... Non, ça représente potentiellement quelques déclenchements par jour. D'accord. Ok, très bien. D'autres questions ? Bonsoir. Vous avez cité en tout début de conférence le Vendée Globe. Il y a eu au moins un sauvetage critique cette année. Je voulais savoir si la balise avait déjà été utilisée sur ce genre de compétition ou déplacement en voilier dans des endroits assez extrêmes, ou s'ils avaient d'autres moyens pour contacter des secours que la balise. En fait, il y a plusieurs systèmes satellitaires qui équipent les navires des gens du Vendée Globe, notamment Argos, justement, qui permet un suivi de la trajectoire, enfin du chemin du bateau. Ensuite, je pense qu'il y a, je ne connais pas trop, mais avec Argos, il y a aussi un moyen de faire état de difficultés particulières, mais on n'est pas dans le mode de la détresse. En termes de com aussi, il y a la radio. Ils ont tous des radios satellites, donc effectivement, ils peuvent utiliser ça. Et reste la balise Cospas Sarsat, qui effectivement est déclenché vraiment en dernier ressort quand tout va mal, quoi. Le bateau a chaviré ou est sur le point de couler, on est loin des côtes, enfin vraiment on déclenche la balise en croisant les doigts en espérant qu'on nous retrouvera rapidement, quoi. Je pense que c'était le 8e du classement, c'était Thomas Ruyant qui était au large mais pas très loin des côtes de Nouvelle-Zélande. Et effectivement, qu'il y a eu une avarie, je pense qu'il a heurté un conteneur qui dérivait, donc évidemment ça doit faire très mal. Et il expliquait que, en fait, il avait eu pour la première fois très peur, et il s'était dit, il frissonnait en pensant à ce qui se serait passé s'il était au large de l'océan Pacifique. Et il avait donc une avarie avec de l'eau qui rentrait dans la coque à l'avant du bateau. Il y avait des vents à 45 nœuds. Et il a cité une première réaction qu'il avait donnée au journaliste. Il n'a pas déclenché sa balise, mais il a dit « J'avais le doigt en permanence sur ma balise de détresse et j'étais à tout moment sur le point de la déclencher. » Donc on voit que c'est un peu le dernier fil qui relie à la vie, quoi, parce que le gars, il a réussi néanmoins, il a été escorté par des navires parce qu'il n'était pas trop loin des côtes, il a réussi à rejoindre la côte, hein, finalement. Mais néanmoins, son réflexe, c'était la balise à la main et puis si je coule ou je sais pas quoi, ben, je la déclenche, quoi. Donc ça montre quand même l'importance que, enfin, quand on voit la réaction de cette personne et ce qu'il a dit, ça montre l'importance que, et de ce moyen comme lien ultime avec le sauvetage et la survie, quoi. D'ailleurs, cette balise, elle n'est pas obligatoire pour un plaisancier, mais elle l'est sur, à partir d'un certain tonnage, j'imagine, pour certains navires. En fait, il y a plusieurs réglementations. La réglementation nationale, française donc, impose l'emport de ces balises sur quasiment tous les navires, donc cargo, navires de passagers, navires de pêche, navires de plaisance, avec deux exceptions. C'est lorsque les bateaux sont à moins de, je crois, de mémoire, de 5 miles d'un abri. Et pour les bateaux de plaisance, pour les bateaux de moins de 24 mètres. Donc ça fait quand même qu'il y a beaucoup de balises, beaucoup de bateaux, parce que 24 mètres ça commence à être gros, il y a beaucoup de bateaux pour lesquels la balise n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Après il y a la réglementation internationale, avec la convention de l'Organisation Internationale Maritime. Je pense que la réglementation internationale impose ces balises à tous les bateaux de croisière, de transport de passagers, et impose l'emport de balises uniquement aux cargos de plus de 300 tonnes. Voilà. Très bien, merci. D'autres questions par là ? Bonsoir. Vous parliez de coûts une fois qu'on déclenche la balise. Justement, quels sont les coûts qui sont engendrés ? C'est une question effectivement qui est assez, dont la réponse est difficile à fournir parce que on déclenche la balise, donc effectivement, les satellites travaillent, les centres de contrôle mission ont des opérateurs 24/24. Donc là, on est dans le fonctionnement normal. Après, les coûts qui sont engendrés, c'est surtout les coûts de sauvetage, quoi, voire de recherche. Quand on a une zone déterminée par le système, après, il faut quand même rechercher. On n'a pas forcément pile-poil l'endroit où il faut aller chercher. Donc et ensuite, les coûts de sauvetage. Mais ça, bon, honnêtement, je ne les connais pas trop. On disait tout à l'heure, il ne faut pas appuyer sur la balise quand ce n'est pas nécessaire, comme on l'a vu avec le navigateur, parce que ça encombre le réseau, et aussi parce que ça engendre des coûts. Et en fait, je ne vois pas quels sont les coûts avant sauvetage. Par exemple, pour une fausse alerte, ce que vous appelez un faux positif, je ne vois pas quels sont les coûts engendrés par un faux positif, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le système COSPASSAT, des fausses alertes, il y en a énormément. On est à plus de 90% de fausses alertes. Chaque année, je pense qu'il y a, je ne sais pas les chiffres exacts, mais je pense que chaque année, on a à peu près en moyenne 2200, 2300, 2500 dossiers vraiment d'alerte. Et néanmoins, il y a eu 10 fois plus de déclenchement. Et ensuite, c'est aux opérateurs de déterminer si on est dans le cas d'une fausse alerte qui peut être liée à un problème technique, qui peut être liée à un déclenchement intempestif. Des gens qui font des essais, qui ont oublié de prévenir et du coup ils balancent un signal de détresse et les gens ne savent pas. Donc, et les opérateurs des centres de contrôle de mission essayent de comprendre si vraiment on est sur une détresse ou pas. Donc avec des techniques qui sont liées à leur métier. Hein, et très souvent, donc quasiment 90% du temps, ils concluent qu'on est sur une fausse alerte. Et les coûts, on fait travailler les gens pour rien. On encombre leur attention, enfin on utilise leur attention alors que ça pourrait être utilisé à des cas en cours et qui sont avérés. Et puis vraiment, quand on n'arrive pas à déterminer si vraiment il s'agit d'une fausse alerte, ben on peut être amené parfois à investiguer et ça peut coûter de l'argent, quoi, voire à dépêcher des avions sur place pour retrouver des naufragés alors qu'il n'y en a pas. Bon, en général, on arrive à déterminer les choses à l'avance, mais c'est pas tout le temps le cas, quoi. Voilà. Je vais compléter effectivement avec le coût des recherches en mer, notamment pour le vol Rio-Paris. Donc la France a dépensé à peu près 38 millions d'euros pour localiser et récupérer les enregistreurs. Donc, ça a un coût quand même relativement important. Je ne parle même pas du coût pour le MH370, où ils sont à plusieurs centaines de millions de dollars pour retrouver l'épave. Alors, c'est un coût différent, puisqu'en fait, là, on n'est plus dans la recherche de sauver des vies humaines, mais c'est vraiment la recherche de ces équipements qui permettraient de comprendre les causes d'accidents. Donc, c'est un peu différent. Et dans le cadre de Rio Paris, de mémoire, je crois qu'on avait, si on prenait la partie search and rescue, enfin la partie recherche en mer, on était à peu près à 80 millions d'euros pour les premiers jours du vol Rio Paris. Bonsoir. On parlait nombre de balises. Combien de balises il y a aujourd'hui en circulation et combien il y a de déclenchements chaque jour? Enfin, on parle de quelle échelle, quel volume? Alors, le nombre de balises est estimé, je pense, actuellement, on est pas loin des 2 millions de balises, dont les trois quarts enregistrées, parce qu'il y a des gens qui ont des balises qui ne les enregistrent pas. Moi, le premier, d'ailleurs, j'en ai une que j'ai depuis quelques mois. Je ne l'ai pas encore enregistrée, mais je ne l'ai pas utilisée. Alors, le problème de ne pas enregistrer, c'est que, ben, comme je l'ai dit, hein, quand on a un déclenchement, qu'on identifie la balise, si on est enregistré, on arrive à déterminer quel propriétaire, à avoir des informations parfois aussi de téléphone, personne à prévenir. Si on met à jour son enregistrement, on peut avoir signalé qu'on était parqué dans telle zone du globe, etc. Si on ne le fait pas, ça complexifie la recherche. Donc 2 millions à peu près de balises, donc les trois quarts enregistrés. Ensuite, l'autre partie de la question, pardon, c'était les déclenchements. Oui, alors, le nombre de déclenchements. Les déclenchements, ben, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, on est à peu près je dirais 2000. Alors, déclenchements, il y en a peut-être 20 000 par an, à peu près 20 000, 25 000. Mais sachant que 9 fois sur 10, on a une fausse alerte, il n'y a pas de détresse avérée. Je dirais que des cas de détresse avérée, on tourne à peu près entre 2500 en 2014, je crois qu'on était à peu près à 2200 en 2015, où là, le système permet d'apporter du secours aux personnes, ce qui fait quand même, en 2014, 7 personnes secourues en moyenne par jour par le système, et 6 en 2015. Bon, ça fluctue, 6-7 par jour en moyenne. Oui, bonsoir. J'aurais aimé savoir si les trains, le TGV par exemple, utilise ce genre de système, et si c'est pas le cas, est-ce que ça aurait du sens par exemple pour les enregistrements notamment? Bon, on parle bien des balises de Cospas Arsat. En fait, la position d'un train, elle est quand même beaucoup mieux connue que celle d'un avion qui peut, après une rupture de communication, voler pendant 10 minutes, et en 10 minutes un avion fait beaucoup de chemin. Un train, la problématique de localisation est très différente. On sait où le train se trouve, il y a des signaux le long des voies, il y a tout un système de positionnement qui est inhérent au système. Il n'y a pas vraiment cette problématique de recherche sur un train. On pourrait l'avoir avec certains véhicules éventuellement, mais sur des trains, je pense qu'on est sur des rails, donc la problématique de la localisation n'est pas du tout la même et n'en est pas vraiment une, je pense. Donc, il n'y a pas d'application de ce genre-là pour les trains. Ouais. Sur les TGV, il y a des enregistreurs un peu plus simples, donc, mais il existe aussi des enregistreurs qui permettent de calculer bon, les accélérations, les vitesses, etc., les décélérations, de pouvoir calculer le temps passé par le pilote sur les manches, etc. Donc il y a pas mal d'informations qui sont enregistrées notamment. Oui, bonsoir. C'est plus pour avoir une précision plutôt qu'une question. Mais à partir du moment où on sait qu'un avion est en train de sortir de son enveloppe de vol et qu'il y a une alerte anticipée, la balise est autonome en fonction de ses algorithmes. Elle fait ses calculs toute seule ou elle est interfacée avec le Flight Data Recorder, par exemple? Non, en fait, on a évalué un peu toutes les solutions, mais la solution la plus probable, c'est que ce sont des calculateurs de bord de l'avion qui font une analyse temps réel de la position de l'avion et vont transmettre à la balise de détresse un signal de déclenchement. Et dans les spécifications pour les câbles, je dirais, ou les bus entre la balise de détresse et les calculateurs, on pourra faire passer un peu plus d'informations sur le type d'événement, qu'est-ce qui a déclenché. Voilà, donc on a prévu d'avoir un certain nombre d'informations qui permettent de donner une idée de la raison du déclenchement. Mais c'est les calculateurs de bord essentiellement. Mais il y a des industriels aussi, des constructeurs de balises qui réfléchissent. Parce que maintenant, dans un smartphone, on a un gyro, une puce GPS. Donc, on pourrait avoir tout à fait la même chose dans une balise. Mais bon, il y a une puissance de calcul qui est supérieure dans les calculateurs de bord de l'avion. Merci. Rebonsoir. Donc, on a parlé des avions, des trains. Il est possible de s'équiper donc d'une balise personnelle, mais qui a déclenchement manuel. Si on pense par exemple à une Jeep qui serait en expédition dans un désert, est-ce qu'il est possible de l'équiper d'une balise automatique qui se déclencherait en cas d'accident de voiture, par exemple? Et accessoirement, quel est le coût d'une balise automatique comme celle des avions? C'est une question extrêmement pertinente parce que c'est une question d'actualité, je dirais. C'est-à-dire que effectivement, on part dans le désert, on se perd, je ma balise, je la déclenche, voilà. Installer des balises Cospas-Sarsat sur des véhicules à déclenchement automatique, ça pose tout un tas de questions et de problèmes. Parce que, effectivement, si je prends ma voiture, bon, elle n'est pas là, moi je suis toulousain, mais admettons que je prenne ma voiture et que je prenne un pilier hein, sur le Pont-Neuf, déclenchement automatique, on va mettre en branle tout un système alors que c'est absolument pas justifié. Donc on pourrait imaginer des systèmes avec des déclenchements par voie terrestre, hein, des solutions GSM, machin. Et si effectivement il n'y a aucune autre voie, déclencher in fine le système satellitaire. Ça peut s'envisager. Et la question des balises automatiques est à cet égard extrêmement sensible. Les gens y réfléchissent beaucoup en ce moment. Au dernier conseil qui s'est tenu donc exceptionnellement, qui était en France, à Paris, à l'UNESCO, je crois que c'est les Australiens qui ont fait un papier en expliquant qu'ils souhaitaient ne pas gérer ce genre de balises parce qu'ils avaient peur effectivement qu'on soit noyé par le nombre de signaux. Donc ne pas valider, pourquoi c'est pas ça, ces balises terrestres à déclenchement automatique susceptibles d'être emportées sur des véhicules. Parce que voilà, on aurait une utilisation qui déborderait les capacités classiques du système. Mais néanmoins, c'est pas idiot. Enfin, il ne faut pas ne pas réfléchir à la question comme solution d'ultime recours quand les solutions terrestres de communication ne sont plus disponibles. Pourquoi pas? Mais ça nécessite des études de dimensionnement, de voir si le système peut supporter ce genre de choses, parce qu'on aurait là effectivement potentiellement un grand nombre de déclenchements. Mais la question est parfaitement d'actualité et pertinente. Ma question elle est un petit peu dans la continuité de la précédente, mais sans forcément les liaisons satellitaires. Vous parliez d'algorithmes prédictifs, ou en tout cas de systèmes qui enverraient l'info en pré-impact tout à l'heure. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer ces éléments, mais dans le cadre d'accidents routiers, par exemple, où je donne des exemples qui peuvent être un peu plus extrapolés, un bâtiment qui serait à deux doigts de prendre feu, vous pourriez peut-être avoir la même base d'algorithme pour pouvoir envoyer des signaux de détresse, peut-être pas par satellite, mais comme la façon dont vous venez de parler. Aujourd'hui, vous avez déjà pensé à ça? Alors, sur des véhicules, je pense que ça existe déjà. Hein. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a des constructeurs qui font même des publicités en expliquant qu'il y a des systèmes de déclenchement automatique. Mais par voie terrestre, ça fonctionne par voie terrestre, par GSM. Donc ça existe. Après, je pense que vous avez parlé de bâtiments, c'est ça? Mais bon, là, on n'est plus dans la même problématique. Quoi. On n'est plus dans le mouvement. On n'a pas de problématique de localisation. Pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a en effet le fait de transmettre l'information, mais il y a également le fait d'anticiper un problème. Et c'est de croiser une multitude de facteurs et d'arriver à faire un algorithme derrière qui dise, bon, là, effectivement, on est sûr à 99% qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça que j'imagine que ça peut se transposer dans une multitude de situations. Oui, je pense qu'on peut. C'est-à-dire, c'était une analogie entre l'anticipation en aéronautique, c'est-à-dire la détermination de la situation de détresse sur la base de paramètres de vol, qu'on pourrait transposer à d'autres secteurs. Oui, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être faites, mais je sais pas, concrètement... C'est pas envisagé pour l'instant, mais... Le cas, c'est pas posé, mais... au niveau, par exemple, de transport routier, est-ce qu'on peut... oui, mais... on n'est pas dans la même problématique. Là, l'intérêt de faire ça en aéronautique, c'est de disposer d'un signal de détresse. C'est-à-dire que quand on attend le crash, on a vu que parfois, ben, l'antenne se séparait, on n'a rien, on n'a pas d'information. Là, ça permet d'avoir de l'information avant le crash, et d'anticiper avec la finalité quand même qui est de retrouver l'avion, au moins sa trajectoire. Bon, après, transport routier, on peut le faire, mais on n'est pas dans le même cas où la localisation est extrêmement critique et déterminante, quoi. Mais bon, il y a peut-être des choses à creuser, hein. Bonsoir, je ne sais pas si c'est une question bête, mais au niveau de la COSPAS ARSAT, quand vous prenez des décisions sur des nouvelles mesures de sécurité, est-ce que vous avez besoin d'une approbation de l'OACI ou est-ce que c'est l'inverse? Juste dire quand l'OACI est présente dans les conseils COSPAS ARSAT en tant qu'invité. Et avant de donner le micro à Philippe, je voudrais dire que sur la problématique qu'on vient d'évoquer du suivi des avions en détresse, hein, c'est ça dont il s'agit. L'OACI en mars dernier a sorti donc des specs en fait, en expliquant que, à partir, comme l'a rappelé Philippe, à partir de 2021, les avions devront être équipés de ces balises qui permettent de transmettre des signaux de détresse dès que l'avion rentre en phase de détresse sur la base de paramètres de vol, donc bien avant le crash. Et COSPAS ARSAT s'emploie depuis quelque temps avec un gros coup d'accélérateur depuis un an et demi à travailler sur l'adaptation des balises actuelles, des balises aéronautiques, fameuses ELT, celles-ci, pour justement leur permettre de répondre à ce besoin. Donc ça fait l'objet de beaucoup de discussions, voire parfois de tensions avec d'autres pays, les Américains en particulier, qui n'ont pas tout à fait la même vision que le Canada et la France. Et on est en plein processus de spécification de ces balises adaptées aux besoins OACI, avec l'objectif de pouvoir avoir des balises disponibles en 2019, sachant qu'il faut ensuite à peu près 2 ans pour qu'elles soient intégrées sur les avions qui vont sortir et seront aux normes en 2021. Donc on travaille vraiment de façon étroite avec l'OACI sur ces sujets, oui, clairement. Tu peux peut-être compléter, Philippe ? Oui, en fait, l'OACI va définir une réglementation, va définir qu'à partir d'une date, il faut avoir un tel équipement. Et l'idée, c'est de faire référence de plus en plus à des spécifications qui existent dans le domaine public ou dans l'industrie. Donc on fait de plus en plus référence à une ELT, et on sait qu'une ELT, c'est un système COSPAS ARSAT. Donc effectivement, oui, c'est... Je vous interromps, parce que attention aux acronymes partout. Oui. Il y a l'OSCI d'ailleurs. Ah, c'est Adam qui a utilisé. Oui, oui, oui, mais je n'ai pas réagi tout de suite, c'est de ma faute. Donc ouais. C'est l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Donc cette organisation définit des normes et pratiques recommandées mondiales, je dirais, et donne une impulsion. C'est-à-dire que, par exemple, l'OACI, dans une de ses annexes, a défini qu'à partir de 2021, il faudrait avoir un système automatique de suivi d'un avion en détresse. Ensuite, ça fait référence à des spécifications, à des normes. Et ensuite, chaque pays va prendre ces normes de haut niveau et va les incorporer dans sa réglementation locale. Donc il y a une réglementation européenne qui est maintenant en conformité avec cette réglementation de l'OACI et chaque pays va s'y conformer. Mais l'idée vraiment, c'est d'essayer d'avoir au niveau très haut niveau mondial des normes assez... maintenant, on utilise performance-based, donc basé sur la performance. Et ensuite, c'est du point de vue des spécifications de l'industrie de définir les bonnes performances qui peuvent y répondre. D'accord. Et le ELT dont vous avez commencé à parler ? Emergency Locator Transmitter. Donc, c'est la balise de détresse dont on parle tout à l'heure, pardon. D'accord. Bien, merci. Oui, j'aurais aimé en savoir un peu plus sur le côté satellitaire du système. À savoir, techniquement, quelle place ou masse ça prend dans un satellite. Si vous n'utilisez pas vos propres satellites, comment vous trouvez un accord avec des satellites de télécom ou autres pour placer un bout de hardware ou software à vous dans leur satellite? Et aussi, quelle est la durée de vie du système? Parce que les satellites, au bout de 10, 20, 30 ans, ils finissent par retomber ou arrêter de fonctionner. Et donc, quand est-ce que vous aurez besoin de lancer un prochain satellite pour maintenir le système dans son état actuel? En fait, derrière cette question, il y en a beaucoup. Il y a toute une problématique. Les satellites qui embarquent les charges utiles donc, de recherche et sauvetage, donc en orbite basse, il y en a 5 qui sont opérationnels. Ce sont des satellites météo de la NOAA, c'est l'Agence nationale américaine des océans et de l'atmosphère, organisation étatique. Et 3 de la NOAA et 2 mes tops des satellites de MEDSAT. Donc on a des accords, on est sur des organisations institutionnelles. Il n'y a pas, à ma connaissance, mais je n'ai pas eu l'occasion de... Moi je suis dans le poste depuis un peu moins d'un an et demi, donc je n'ai pas vécu les négociations pour embarquer un système comme ça. Je pense que ça se fait, pas forcément avec des coûts, mais enfin, ça se négocie en tout cas. Sur les satellites géostationnaires, c'est pareil, il y en a 6 qui sont opérationnels. 2 satellites américains météo, les GUS, 2 satellites MEDSAT, MSG, un satellite indien et un satellite russe. Bon là, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de... Je pense pas qu'on paye vraiment des coûts, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est une contribution de chacun, des États-Unis, des Indiens, etc. au programme. Une charge utile de recherche et sauvetage, c'est une charge utile qui est assez simple. Sur les satellites en orbite basse, il y a effectivement ce qu'on appelle un SARP, c'est un Search and Rescue Processor, simplement parce qu'on collecte le signal, on le stocke, il y a une mémoire, et ensuite on l'émet une fois qu'on est en visibilité d'une station sol. Sur les systèmes en orbite géostationnaire et maintenant le système MEOSAR, donc en orbite moyenne sur les Galileo, les GPS et les GLONASS, on est sur des répéteurs aussi, ou des répéteurs transparents, c'est-à-dire que le signal est reçu, il est transposé en fréquence pour redescendre sur la bonne fréquence, donc il monte à la fréquence de la balise, il redescend à 1544 MHz, donc on transpose en fréquence et on amplifie, c'est tout. Donc c'est des choses assez simples. Bon, une charge utile de ce type, ça coûte vraiment à la louche, mais maximum 1 million d'euros. Alors ça fait beaucoup, mais quand on compare au prix d'une charge utile d'observation ou télécommunication un peu sophistiquée, c'est pas très cher, quoi. Je sais que ça fait beaucoup. Dans un référentiel plus commun, ça fait beaucoup, mais voilà. Donc ça se passe comme ça. Ensuite, alors la question suivante, c'était va-t-on lancer un prochain satellite ? Alors, la difficulté du programme actuellement, c'est qu'on a le système LEO, donc avec ces 5 satellites. On parlait de durée de vie des satellites. Quasiment tous les satellites, les 5 satellites LEO, ont dépassé leur durée de vie nominale. C'est un peu inquiétant, parce que c'est souvent le cas avec les satellites. Hein. En général, on est un peu trop rigoureux au départ, mais enfin, on peut se dire que les satellites peuvent tomber en rade, certains, du jour au lendemain. Heureusement, le système MEOSAR, donc en orbite de façon opérationnelle, alors je reviendrai sur la notion opérationnelle, c'est important dans l'évolution du système pour le MEOSAR. Il y a actuellement 10, 12, je crois, satellites Galileo qui sont opérationnels avec des charges utiles SAR. Il y a 20 satellites DAS GPS et 2 satellites russes GLONASS. Il y en a un seul qui est opérationnel, l'autre est en test. Ça fait 33 satellites opérationnels. Le système MEOSAR, donc, était jusqu'à il y a 2 mois pré-opérationnel, c'est-à-dire que les données issues de ce système n'étaient pas nominalement dans le système COSPAS-SARSAT, même si on pouvait utiliser des données. Et au conseil de décembre, a été décidé, pour le MEOSAR, un pas extrêmement important, qui était la déclaration de ce qu'on appelle l'Early Operational Capability. Ça voulait dire qu'on a validé les centres de contrôle mission américains et français pour ce nouveau système MEOSAR. Et ces centres de contrôle, mission américains et français, peuvent maintenant distribuer de façon opérationnelle les données issues du MEOSAR. Maintenant, il reste à valider de façon opérationnelle tous les centres de contrôle de mission des autres pays. Et une fois que ce sera fait, on pourra déclarer ce qu'on appelle l'Initial Operational Capability. Donc ça, c'est des jargons un peu du spatial. Et une fois qu'on aura la couverture de tout le globe, au niveau spatial, il n'y aura pas de problème, mais c'est au niveau des stations sol, on aura ce qu'on appelle le FOC, c'est-à-dire le Full Operational Capability. Donc, on ne lance plus beaucoup de satellites dans l'orbite LEO, parce qu'on a justement orbite basse, à 1000 km, parce que maintenant, effectivement, on a le relais qui va être pris progressivement par les satellites en orbite moyenne. Bon, n'empêche que les Russes ont annoncé qu'ils voulaient lancer deux LEO en 2017, un à mi-année, un plus tard. Bon, on verra s'ils le font. Les Américains avaient prévu aussi de lancer encore des satellites en orbite basse. La France, d'ailleurs, a encore un instrument sur étagère qui devait voler, deux même sur étagère, mais dont un qui devait voler sur ce satellite. Et depuis plusieurs années, les Américains nous expliquent que les budgets sont repoussés et pour l'instant, le lancement n'est pas prévu tout de suite. Voilà. viendra un jour, il sera plus utile parce que le Méossar sera opérationnel et on n'aura plus besoin de lancer des satellites en orbite basse, en orbite Léo. Voilà. Voilà un petit peu où on en est sur le sujet. Sur le même thème, je vous repasse la parole après, mais la source d'alimentation du dispositif sur le satellite, comment ça se passe en fait? Parce qu'il ne faut pas que les batteries tombent à plat. Oh ben c'est le fonctionnement classique du satellite, c'est-à-dire on a des batteries effectivement qui permettent d'alimenter les systèmes et puis les batteries sont rechargées par des panneaux solaires. D'accord, ce n'est pas prélevé sur l'ensemble du, enfin sur les autres composants du satellite d'observation. Le satellite météo, en l'occurrence, c'est indépendant. C'est-à-dire qu'il est dimensionné. Le satellite, il y a la partie plateforme, donc c'est tout ce qui permet toute la structure, toute la thermique et justement l'énergie, les batteries, les panneaux solaires. Et puis ensuite, il y a les charges utiles qui permettent de fournir le service. Donc typiquement, sur ces satellites, il y a des charges utiles de météo, il y a les charges utiles de recherche et sauvetage. Et le système est dimensionné de façon à ce qu'on gère l'énergie pour toutes les charges utiles qui sont embarquées. Quoi. D'accord. Ça cohabite bien. Il n'y a pas de traitement en particulier. Non. Oui, c'était juste pour une confirmation. Donc vous avez un accord avec les pays pour placer systématiquement un système de recherche dans tous les nouveaux satellites Galileo, GPS ou GLONASS qui sont lancés dans les prochaines années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'accord entre les pays. Chaque pays décide de contribuer en nature au système. Les Américains vont dire, on va lancer, c'est ce qui est passé dans le passé. Les Américains ont lancé des satellites en orbite basse ou orbite géostationnaire de météo, pardon. Et on dit, ben, on va aussi contribuer à Cospace Sarsat en mettant à bord une charge utile de recherche et sauvetage. Sur les satellites en orbite basse américains, d'ailleurs, une partie de la charge utile était faite par le CNES. Donc voilà, ça se discute comme ça. Après, Galileo, sur la nouvelle orbite, le nouveau système Méossar en orbite moyenne, c'est la Commission européenne qui finance Galileo et donc qui a financé. En plus des charges utiles de navigation nominales, enfin je dirais classiques, qui font la mission Galileo, de financer des charges utiles de recherche et sauvetage sur ces satellites-là. Donc voilà, donc ça a été décidé dans le cadre de la Commission européenne et entre États membres, et ça a été validé de la sorte. Et effectivement, on peut en parler rapidement, peut-être la Commission européenne a les satellites. Galileo, donc actuellement 12 satellites en décharge utile opérationnelle, en recherche sauvetage. Il y a 4 satellites qui ont été lancés, je crois, en novembre, qui sont en cours de. La mise à poste est terminée il y a 2 semaines, donc la recette sera faite en mai-juin. Donc en mai-juin, on aura 2 charges utiles de recherche et sauvetage en plus. 4 en plus, ce qui fera 16 charges utiles Galileo opérationnelles. 4 un an plus tard, on pense. Voilà. Et ensuite, au niveau de la Commission européenne, il y a aussi un petit segment sol, je dirais, qui est constitué de 3 stations sol qui sont en Norvège, à Chypre et en Espagne, qui sont d'ailleurs opérées par le CNES. C'est un accord entre la Commission et le CNES, qui sont opérées par le CNES. Il y a un centre de contrôle et d'opération de ce segment sol qui est localisé à Toulouse, dans le même bâtiment d'ailleurs que le centre de contrôle de mission français de Cospace Sarsat. Voilà, et c'est ce qui a permis à la Commission fin décembre 2007 de déclarer opérationnel un des services Galileo qui est ce qu'on appelle le SAR Galileo, c'est-à-dire la contribution de Galileo aux activités de recherche sauvetage conduites dans le Cospace Sarsat. Très bien. J'ai le gosier tout sec et la gorge qui pique, je crois que je suis presque avant un seuil critique. Ah mais voilà, ah mais voici, Cospace Sarsat, ma petite balise s'est déclenchée, elle m'a prescrit un verre de bière à la cerise. Qu'on me dise pas qu'il s'agit d'un faux positif. Cette balise, vraiment, elle a sauvé ma soirée, je la kiffe. Merci Xavier. Bonsoir, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y a des opérateurs privés qui sont intéressés par ce type de choses? Parce que là, vous parlez toujours d'opérateurs, c'est les États-Unis, enfin des États ou le CNES, et où est-ce qu'il y a des pays comme la Chine ou l'Inde, par exemple, qui auraient des projets avec ce genre de choses? Oui, il y a deux questions. Il y a la question de la Chine et l'Inde. et la question d'opérateurs privés, ce qui n'est pas forcément la... Enfin, je sais pas. D'accord. Non, non, mais c'est... Alors si, c'est une question extrêmement intéressante parce que, en termes de pays déjà, l'Inde et la Chine participent à Cospace Sarsat. L'Inde a contribué d'ailleurs avec un satellite géostationnaire. La Chine participe, mais n'est pas... Je parle du système MEOSAR qui est en train de se mettre en place, c'est en orbite moyenne. Les satellites qui constituent ce système, donc j'ai dit, sont GLONASS, GPS, Galileo, donc États-Unis, enfin, Russie, États-Unis et Europe. Les Chinois ont la constellation de navigation Beidou. Officiellement, ils n'ont pas demandé à participer à Cospace Sarsat. Ça pourrait venir. Question d'actualité. Voilà. Mais ensuite, la question des opérateurs privés. Typiquement, sur la problématique aéronautique, avec le suivi des avions en détresse, on voit poindre des offres commerciales d'opérateurs privés, qui pourraient être concurrentielles, d'ailleurs, entre guillemets, de Cospace Sarsat. On a vu des consortiums, je ne sais plus, c'est Aereon, je crois, Aereon qui embarque des charges utiles sur les constellations Iridium, je crois, Iridium Next, et qui explique qu'ils peuvent faire du suivi d'avions en détresse et mettre en place des systèmes qui éviteraient ce qui s'est passé dans le cas de MH370, par exemple, avec un suivi des avions, une connaissance de la trajectoire. On ne perdrait pas un avion, c'est vrai qu'en 2016, en l'occurrence en 2014, ça paraît aberrant de perdre un avion comme ça, c'est vrai. Donc il y a des opérateurs privés qui font pas mal de pubs. La question c'est de savoir s'ils peuvent pour l'instant se positionner de la même façon que Cospace Sarsat. Pour l'instant, je ne pense pas, pour deux raisons. La première c'est que pour se positionner, il faut avoir un système robuste, c'est-à-dire qui fonctionne une fois qu'on n'a plus d'alimentation électrique à bord. Je ne suis pas sûr que ce soit avéré pour l'instant avec les systèmes dont on parle. Ça pourrait le devenir. L'autre chose qui est importante, c'est la force du réseau de distribution. Une fois qu'on a effectivement récupéré une alerte, il faut la distribuer vite et bien, de façon à ce qu'elle soit traitée avec le bon niveau d'information à l'intérieur et qu'elle arrive au centre de recherche le plus proche et de recherche et de sauvetage le plus proche. C'est vrai que Cospace Sarsat a une grosse force, c'est son réseau de distribution fait de stations sol et de centres de contrôle de mission. C'est pas le cas pour ces opérateurs potentiels, ça pourrait évoluer. Ce qu'on voit actuellement, ce sont des demandes c'est vraiment très récent, d'organisations internationales qui demandent à Cospace Sarsat s'ils ne pourraient pas étudier la possibilité de traiter non pas seulement des signaux de détresse Cospace Sarsat, mais d'utiliser le segment sol Cospace Sarsat pour éventuellement convoyer d'autres types de signaux. Donc les choses peuvent évoluer, effectivement, des signaux commerciaux ou pas. Utilisation partielle de Cospace Sarsat ou pas, c'est des grosses discussions qui vont, à mon avis, émerger dans les mois, voire les années à venir, dans le cadre de Cospace Sarsat, c'est clair. Je vais compléter parce que l'Organisation de l'aviation civile internationale, quand elle a produit des normes, elle a produit des normes qui étaient sur une base de performance. Et donc, certes, le système Cospace Sarsat va pouvoir répondre, j'irai naturellement à cette norme, mais effectivement, cette norme permet l'émergence de nouveaux systèmes privés comme Aereon, mais aussi ce que des opérateurs privés veulent faire, c'est essayer un peu de remplacer les enregistreurs de vol, donc les boîtes noires, par la transmission de données de paramètres de vol et de l'audio, afin de pouvoir disposer de toutes ces informations au sol quasiment en temps réel. Et d'accord, après, c'est pas enregistré, c'est diffusé directement, c'est ce que vous dites. Alors, ça serait enregistré, mais aussi diffusé en temps réel vers le sol et peut-être sur la base d'un déclenchement pour éviter de saturer les systèmes satellitaires, de transmettre uniquement lorsqu'il y a une situation de détresse. Juste rajouter une chose, on n'a pas parlé, il y a au moins le 19 mai de l'année dernière, il y a eu effectivement la disparition en mer du vol égyptaire Paris-Le Caire. Donc pour la petite histoire, en fait, on n'avait pas de signaux de détresse dans le système orbite basse, les OSAR. La raison était que, ben, à un moment où effectivement il y a eu le déclenchement, parce qu'il y a eu deux déclenchements de balises, et je crois espacés de quelques 5 ou 7 secondes, 7 secondes, il se trouve qu'à ce moment-là, ben, il ne devait pas y avoir de satellite orbite basse en visibilité, donc pas de signaux. Par contre, on a récupéré sur la station sol du MEOSAR, qui n'était pas encore opérationnel et qui est devenu au niveau français, on a récupéré des données deux signaux de détresse des balises, donc espacés de 7 secondes. Ce que je voulais dire, c'est que ces signaux, ils ont été ensuite travaillés par des algorithmes du CNES qui ont permis de déterminer avec pas mal de précision une zone possible du déclenchement, avec un travail qui a été fait avec le BEA, mais aussi avec le commandement interarmé de l'espace, parce qu'il fallait ensuite dépêcher des navires pour essayer de retrouver les boîtes noires. On a réussi à avoir une zone, à extrapoler une zone d'impact en mer assez précise, puisque quand le Laplace, le navire de la Marine nationale, est arrivé sur place, je pense que les signaux des enregistreurs, donc des boîtes noires, ont été captés assez vite, et les boîtes ont été repêchées. Donc on utilisait le système EOSAR avant qu'il soit opérationnel, et on voit l'intérêt, c'est-à-dire qu'on avait un signal alors qu'avec le système Léo orbite basse, on n'avait pas de signal. Ce que je veux dire, pourquoi j'en parle maintenant, c'est que l'avion avait à bord, comme tous les avions je crois, un système ADS-B de suivi. ADS-B. ADS-B, Philippe, tu peux... Automatic Dependent Surveillance. Donc, c'est un système qui fait un report de position toutes les minutes avec... D'accord. Il envoie la position toutes les minutes. Voilà. Donc, comme on parle d'alternatives commerciales qui pourraient utiliser ce genre de système, j'en parle parce que entre le dernier signal reçu du système ADS-B et les signaux de détresse Cospas-Arsat, il y a eu 7 minutes. En 7 minutes, l'avion a le temps de faire beaucoup de trajets, et s'il faut se baser sur... des signaux de position qui sont émis 7 minutes plus tôt, on a beaucoup moins de précision, quoi. Donc là aussi, on peut travailler, avoir des systèmes commerciaux qui travaillent à base d'ADS-B. Encore faut-il qu'on ait la même performance en termes de localisation que ce qu'on peut avoir avec le système Cospas-Arsat. En l'occurrence, dans le cas présent, il y avait 7 minutes d'écart. En 7 minutes, une fois de plus, l'avion a fait beaucoup de trajets. On rappelle que l'avion a explosé en vol. On ne sait toujours pas clairement ce qui s'est passé. C'est pas tranché. Je pense que Philippe répondra mieux, mais on ne sait pas trop pour l'instant, précisément. Pardon, effectivement, donc l'enquête est en cours. C'est une enquête qui est menée par les autorités égyptiennes. On ne peut pas actuellement conclure sur les causes de l'accident, mais il n'a pas explosé en vol. Hein. Ah, il n'a pas explosé en vol. Non, ce n'est pas l'information que j'ai. Et par contre, je veux revenir sur effectivement les 7 minutes qui sont importantes. Il faut savoir que pour le vol Rio-Paris, donc le 1er juin 2009, entre la dernière position reportée, puisque l'avion reportait sa position toutes les 10 minutes, ensuite, il y a eu un certain nombre de messages de maintenance, de panne dans des calculateurs qui ont été reportés au centre de contrôle d'Air France. Entre la dernière position reportée et le point d'impact, enfin le temps de l'impact, il s'est passé 5 minutes. Donc 5 minutes, vous imaginez un peu le temps que ça a pris pour retrouver l'avion, et simplement 5 minutes. Donc voilà pourquoi, malgré tous les efforts qu'il y a pour un report automatique de position, avoir grâce à un système Cospas-Arsat un positionnement quasiment toutes les 10 ou 30 secondes uniquement en situation de détresse, ça permettrait considérablement d'avoir une bonne position du point d'impact. Oui, c'est éclairant. Je crois que vous aviez une question. Oui, en fait, je voulais savoir un petit peu plus sur la méthode de localisation. En fait, le satellite a-t-il besoin de recevoir plusieurs signaux pour réussir à trouver d'où vient la balise, où elle a été actionnée? Et est-ce que le satellite est capable de suivre plusieurs balises dans la même zone? Ça dépend des systèmes. Typiquement, avec le système orbite basse, il faut qu'il y ait un déplacement entre la balise et le satellite. On peut travailler avec plusieurs satellites, mais quand il y en a peu, on travaille en single bird, c'est-à-dire, enfin, on travaille avec l'émission de plusieurs signaux. C'est-à-dire que la balise va émettre plusieurs signaux, et le calcul va se faire sur les différents signaux qui ont été reçus, minimum 3, pour faire du Doppler, et puis ensuite déterminer la localisation. Avec le système en orbite moyenne, mais au SAR, on a plus de satellites, et on passe d'un échantillonnage, je dirais, pour faire simple, temporel à un échantillonnage spatial, c'est-à-dire qu'on a plusieurs satellites qui détectent le signal et qui font du Doppler. Voilà. Après, est-ce qu'un satellite voit plusieurs balises en même temps avec du GEO et du MEOSAR? Oui, parce que on est à 20 000 km ou 36 000 avec le GEOSAR, donc on a on voit des surfaces terrestres très, très, très fortes, donc on peut avoir plusieurs signaux. En orbite basse, les spots de visibilité des satellites sont assez restreints, donc, mais on peut voir plusieurs balises en même temps, oui, c'est possible. On a des questions qui nous viennent de la twittosphère. Oui, bonsoir. Il y a une personne qui voulait savoir si les agences spatiales sont affiliées à Cospas Sarsat et en cas d'un accident de retour de capsule avec des astronautes à bord, quel système ils ont et s'ils sont affiliés à vous. Les gens qui reviennent de l'ISS, par exemple. S'ils ont une balise Cospas Sarsat qui la déclenche au moment de l'impact, oui. Est-ce que la capsule est équipée, en fait ? Est-ce que... C'est une très bonne question. Bravo, je ne pense pas. À ma connaissance, non. Sinon, ça se saurait peut-être, mais ça serait un cas assez singulier d'utilisation. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a suffisamment de moyens de tracking des capsules pour savoir à peu près où elles tombent. D'autres questions ? Est-ce que ces algorithmes d'analyse des données dont vous parliez précédemment sont encore une recherche en cours, en particulier avec les nouveaux outils du Big Data et la Data Science qui sont en plein boom aujourd'hui? Je dirais les constructeurs tels qu'Airbus et Boeing qui développent ces algorithmes, ils connaissent parfaitement leurs machines, ils connaissent parfaitement les capacités, toute la partie aérodynamique de l'avion. Donc je pense que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent déjà assez bien. C'est vrai que dans la base de données que l'on a utilisée, on n'était pas exhaustif dans tous les types d'accidents que l'on pouvait rencontrer. Donc il y a une partie, alors je ne sais pas si on va faire de l'e-learning parce qu'en fait, heureusement, il n'y a pas trop d'accidents quand même. Donc, mais néanmoins, chaque fois qu'il y aura un accident, ils vont collecter les données et ils vont réfléchir à faire évoluer leur système. Mais voilà, c'est pas aussi instinctif, enfin aussi basé sur simplement la théorie ou le e-learning. Nous, via la réglementation, on a imposé une norme qui dit que lorsque l'avion est en détresse, et on a considéré certains critères pour la détresse, et après c'est à eux de se débrouiller pour que ça réponde parfaitement à la norme. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je voulais savoir si ce système-là, donc Cospas Sarsat, peut être utilisé par l'armée ou des services un peu plus spécifiques, renseignement extérieur, tout ce qu'on veut. J'imagine qu'il y a des gros soucis de confidentialité, mais peut-être me répondre. Si les militaires utilisent Cospas Sarsat, c'est en tout cas très transparent, en tout cas pour moi. Et savoir s'ils le font, je pense que oui. Je pense qu'effectivement, on peut avoir des intérêts à avoir des pilotes de chasseurs, par exemple, qui sont équipés de balises, ils s'éjectent, ils peuvent déclencher leurs balises et être récupérés par les forces qui vont bien. Je pense que ça peut se faire par certains pays. Je ne sais pas si ça se fait parce que je ne me suis pas posé la question, mais je pense que ça peut clairement se faire. J'imagine que ça va être dans le traitement de l'alerte que le process va vraiment différer. Parce qu'on n'envoie pas n'importe qui intervenir n'importe où. Donc, on peut imaginer que des militaires américains ou autres ont des... Je dis bien on peut imaginer, hein, j'en ai pas la preuve, mais je pense qu'ont des centres de mission adaptés qui permettent de récupérer les signaux de détresse et d'identifier que le signal de détresse vienne d'un militaire de leur force. Mais je pense que c'est très possible. Je parle des Américains, c'est pas forcément les seuls qui ont la possibilité de faire ça. Mais potentiellement, ça peut être possible, ça peut être faisable, ouais, c'est clair. Mais il y a souvent des transferts de technologies qui vont de l'armée vers les applications civiles, c'est pas le cas de Cospas Sarsat ? Non, enfin je sais pas, ça... on est sur des techniques de radiofréquence... Parce que le GPS, par exemple, sait que ça a d'abord été utilisé par les militaires avant de nous arriver. Je pense qu'il y a des nouvelles balises, là, seront étalement de spectre. Est-ce que l'étalement de spectre vient du mili Je ne sais pas, honnêtement, peut-être. En tout cas, est-ce que l'étalement de spectre intéresse les militaires? Oui, clairement. Parce qu'en étalant spectre, on est beaucoup plus discret. Donc, oui, forcément des synergies, mais... D'autres questions? Oui. Qu'est-ce que c'est que l'étalement de spectre et pourquoi est-ce que ça intéresserait les militaires? J'aurais pas dû parler de ça parce que... Non, en fait, c'est une façon d'étaler le signal sur un spectre de fréquences plus large. Et il y a plusieurs intérêts à faire ça, notamment en termes de robustesse aux interférences. Voilà. On étale le signal sur un spectre un peu plus large, donc on est moins sensible aux interférences. Alors pourquoi on sort de CosmaSarsat, mais en télécom, par exemple, pourquoi ça a un peu intéressé les militaires? C'est parce qu'on n'est pas sur une fréquence donnée, mais on peut utiliser un spectre plus large, et donc passer des signaux qui sont moins facilement interceptables. La totalité du message est passée sur l'ensemble de la fourchette spectrale, ou alors on va passer de certains morceaux sur certaines fréquences et il va falloir reconstituer le puzzle? On peut faire ça, oui. Là, on parle de transmission de communication. Oui, on peut faire ça. On utilise un spectre plus large, donc on peut l'utiliser de différentes façons, mais quand on est sur un spectre plus large, c'est plus difficile ensuite de capter le signal utile que si on est vraiment sur une petite bande de fréquences. D'accord, encore une ou deux questions. Alors moi, j'en avais une toute bête par rapport à ce que vous disiez. Pourquoi il y a tant de fausses alertes, en fait? C'est très, très fragile. Je pense qu'il y a des problèmes techniques de déclenchement. Il y a des fausses manipulations aussi. Un navire qui est en maintenance, ou un avion en maintenance, on bidouille la balise aéronautique, par exemple, sans penser qu'effectivement elle est toujours active. Si on l'allume, elle a une durée de vie de, je ne sais pas si c'est comment c'est spécifié, mais c'est au moins 7, 8, 7, 10 ans, je pense, hein, ou 6, 7 ans, 6 ans, hein, les ELT. Mais 6 ans, voilà, 6 ans, ça peut être plus pour d'autres types de balises. Mais donc le technicien de maintenance, il peut l'allumer en pensant que bon, l'avion est au sol, il n'y a pas de. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on a beaucoup de fausses alertes, je pense. Ouais. Et puis celle-là, on peut la manipuler de la même façon, c'est un truc personnel, je veux dire, un gamin oui. peut toucher. Antenne s'ouvre, ça émet un signal. Voilà. Non, il y a effectivement plein de raisons. En tout cas, de façon factuelle, il y a beaucoup de fausses alertes. Oui. Très bien. Oui. Bonsoir. J'avais une question par rapport à la visibilité des satellites. En fait, ça va être quoi le temps d'attente le plus long entre le moment où on va commencer à émettre un signal et le moment où on va voir un satellite en visibilité? Alors, en fait, comme je disais tout à l'heure, avec les satellites en orbite, les constellations en orbite basse. On a 5 satellites qui ont une orbite polaire, donc avec une périodicité de 1h40. Si on est à l'équateur, dans une situation très défavorable, on peut aller jusqu'à 4h. Quoi. Après, ça peut être beaucoup moins si on est plus chanceux. Avec les satellites en orbite géostationnaire, c'est instantané, la visibilité est permanente. Et avec les satellites en orbite en moyenne, donc le fameux NEOSAR, sur les satellites des constellations de navigation, là on a maintenant 33 satellites opérationnels, donc je pense qu'on est quasi en couverture globale, il y a toujours une visibilité, on est des satellites à 20 000 km d'altitude, donc qui ont un spot au sol, qui a une visibilité qui est très large. Le problème se posait essentiellement en orbite basse, et c'est la raison pour laquelle on a changé de système. Et là, on pouvait aller jusqu'à 4 heures, effectivement, dans le pire des cas. Merci beaucoup, Bruno et Philippe, d'être venus ce soir, d'avoir répondu à toutes nos questions. Et le prochain bar, c'est le 21 mars, et le sujet, ce sera la galaxie révélée par Gaïa. Voilà, merci, bonsoir à tous. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée, et chacun nourrit sa pensée.